boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Sixteen Horsepower du David Eugene Edwards ouvre un 228e Pop and Rock sur la trait locale arrière, dans lequel on va se promener dans l'univers rock de votre serviteur. Hein, serviteur? Non mais ça va, parle pas de moi comme ça! Oh là là, tout doux la voix off, c'est moi le serviteur de nos auditeurs, enfin tu le sais, c'est une façon de parler. Ah ouais, bah bien sûr, je plaisantais, bien sûr que je le savais. Si tu le dis. Let's go. programmer un pop and rock, c'est une histoire de feeling, de rencontre avec des artistes, des découvertes surprenantes. Voilà bien des années, je suis tombé, au sens figuré bien évidemment, sur un rocker, rappeur, guitariste, pote de Santana. Et ça donnait ce petit truc. Better leave your lights on, 'cause there's a monster Ouais, je ne me souviens pas comment Everlast est entré dans ma bibliothèque musicale. En tout cas, ce n'était pas grâce à Santana, mais plutôt grâce à l'intro guitare de What It's Like. Ouvrez bien vos oreilles. Ces deux titres de Everlast que nous venons d'écouter sont issus de White Effort Sing the Blues, album anonyme en France, mais qui, je crois, avait été fort populaire en Hollande, d'où le fait que j'ai traité le Everlast de hollandais pendant longtemps. Pourtant, sa musique transpirait le fin fond des States. They call me White Devil, Black Jesus, heaven closing, hell freezing, egos tripping, scripts keep flipping, bloods keep blooding, crips keep tripping, time keeps slipping, and I keep falling, and I can't see but I hear them calling, ballers balling, players playing, haters fighting, righteous praying, dumb bringing, mad and keep making, whooping keep taking, shook ones keep shaking, no time for faking, not mean I ain't chopping no pies, just rising like cream. Entre 17h et 18h au 104.6 de RVR, vous écoutez Pop and Rock. Merci la voix off, et préparez-vous pour les 7 prochaines minutes. Just from the midday sun, well, I hear you whispering the words, melt everywhere. my Spanish Harlem Mona Lisa. You're my reason for reason. The step in my groove, yeah. And if it's in this life ain't good enough, I'll give my world to lift you up. I'll change my life to better suit your mood. Thank you. Merci pour ces 7 minutes passées en compagnie de Santana et Rob Thomas en live pour Supernatural. C'était en 1999, quel pied! Mais une fois qu'on a dit ça, avec quoi on enchaîne? Si on restait dans le smooth. Et pourquoi pas, mais dans ce cas-là, on remonte en 1984. Another heart. ces artistes qui décorent nos vies sont immortels grâce à leur œuvre. Mais certaines œuvres dépassent leurs créateurs, comme le Wicked Game de Chris Isaak. Ce soir, mais également des artistes un peu plus, comment dire, récents. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook de Pop'n'Rock, les petits enfants du rock. Encore merci, la voix off.

You said you'd return. You said that you'd be mine till the end of time. But I'm waiting longer. Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry. Come back and stay for good this time. Did you write? Come back and stay. Allez, avant de finir notre pop and rock de façon plus habituelle, j'ai très envie d'écouter un bon vieux Murray Head qui avait illustré avec brio la BO du film Nos Jours Heureux. Rappelez-vous. Never even thought it could happen to me. Maybe I've been blind, only others can see I'm in love. What am I to do? Can I let it show? Do I keep it to myself or should I let her know I'm in love? Do I nurse it in my heart, hold it back in my eyes, hide it all inside or put on a disguise? I'm in love. Have I gotta play games, even suffer the pain, let the secret out, even suffer the doubt? I'm in love. I know it's all there. I really want to share my life with someone else. Will she feel the same? Never even thought it could happen. Maybe I'm thank you. isn't so easy when you've broken before. It isn't so hard when you're ready for more. Could you love me? Give me a simple clue, anything will do. So long as I know what's in me is in you. Could you love me? Give away. There's only one thing I wanna hear you say. I love you. Never gotta play games, even suffer the pain. Let the secret out, even suffer the doubt. I'm in love. I know it's all that I really wanna share my life. Donc le programmateur, ils sont où tous tes potes habituels? Tu les oublies? Heureusement, je suis là. Et pour finir, je prends les commandes de Pop and Rock et hop, on se réveille. Accrochez-vous à vos calbutes, ça va bouger. Thank you. Merci à la voix off de m'avoir remplacé ces quelques instants et bravo pour le choix de Atomic par Blondie. Pour la petite histoire, c'est un morceau écrit par le Giorgio Moroder, fameux producteur des années 80, qu'il avait offert à Deborah Harry, donc la chanteuse de Blondie. Sur ce, on va se quitter avec nos petits chouchous, c'est Children of the Sun qui nous chante leur dernier titre Come With Us. Sur ce, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, et comme d'habitude, bis à tous. The feeling is strong.